بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس العاشر في هذه السلسلة أعني شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. Nous sommes donc au dixième cours dans cette série, qui est l'explication du chapitre du jeûne tiré du livre Umdat al-Ahkam. وَقَدْ وَصَلْنَا إِلَى قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهِ بَابُ الصِّيَامِ أَوْ بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَغَيْرِهِ. Le chapitre ou le sous-chapitre du moins, le sous-chapitre concernant le jeûne durant le voyage et autres. Le sous-chapitre concernant le jeûne durant le voyage et autres. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب عدة أحاديث كثيرا منها في الصيام في السفر والأحاديث الأخرى في مسائل أخرى في الصيام. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a cité dans ce sous-chapitre plusieurs hadiths, plusieurs récits prophétiques. Beaucoup d'entre eux concernent le jeûne durant le voyage, et d'autres hadiths concernent d'autres sujets toujours liés au jeûne. « Amma sawmu fi safar, fa inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihi » فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. En ce qui concerne le jeûne durant le voyage, alors Allah le Très-Haut, il dit dans son livre, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui d'entre vous qui est malade ou alors en voyage, alors qu'il rattrape ses jours durant d'autres jours. وهذا مما يدل على رحمة الله بعباده وتيسيره الدين لهم. Et cela montre la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs et le fait qu'il leur facilite la religion. والعلماء قد اختلفوا في الفطر في السفر وهذا هو الذي سنراه من خلال الأحاديث المذكورة في الباب وبالله التوفيق. Et certes, les savants, ils ont divergé concernant le fait de jeûner ou de ne pas jeûner durant le voyage. Et c'est ce que nous allons voir, inshallah ta'ala, en abordant les quelques hadiths cités dans ce sous-chapitre. Et c'est certes Allah qui accorde la réussite. Al-hadith al-awwal. أن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Le premier hadith que l'auteur cite dans ce sous-chapitre, selon عائشة رضي الله عنها, que حمزة Ibn Amr al-Aslami radiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je jeûne durant le voyage, alors que c'est quelqu'un qui jeûnait beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu veux alors jeûne, et si tu veux alors ne jeûne pas, alors aftir, romps le jeûne, c'est-à-dire ne jeûne pas, mange. هذا الحديث بهذا اللفظ دليل لمن ذهب إلى أن الفطر والصوم في السفر سواء. Ce hadith, dans ces termes qui ont été cités, est une preuve pour ceux qui voient que le fait de jeûner ou de ne pas jeûner pendant le voyage sont égaux, sont semblables. Le fait de jeûner et le fait de ne pas jeûner sont au même niveau, il n'y a pas un qui prévaut au-dessus de l'autre. mais les deux sont permis durant le voyage. لكن الحديث له له رواية أخرى ذكرها الإمام مسلم في صحيحه عن حمزة ابن عمر الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح. Cependant, il y a une autre narration. Ce hadith contient une autre narration que l'imam Muslim rahimahullah a cité dans son recueil As-Sahih, selon Hamza ibn Amr al-Aslami, qui dit « Ô messager d'Allah, je trouve de la force dans la pratique du jeûne pendant le voyage. Alors, est-ce que je suis blâmable en quoi que ce soit ?» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هِيَا رُخْصَةٌ مِّنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à la question de Hamza en disant « Certes, c'est une permission venant d'Allah. Alors celui qui la prend, alors c'est bien. Et celui qui veut jeûner alors, il n'y a pas de blâme en cela. Il n'est pas blâmable en cela. » وهذه الرواية من حديث حمزة استدل بها الحنابلة على أن الفطر في السفر أفضل. Et cette deuxième narration du hadith de Hamza que je viens de vous citer, cette deuxième narration a été utilisée par les savants de l'école Hanbalite pour dire que le jeûne que le fait de ne pas jeûner durant le voyage prévaut sur le fait de jeûner. Le fait de ne pas jeûner durant le voyage est meilleur. Pourquoi ? لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفطر بأنه حسن وأما الصيام فقال لا جناح عليه. Pourquoi ? Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith, il a décrit le fait de ne pas jeûner comme étant bien, hasan. Mais par contre, il a dit concernant le fait de jeûner, il a dit, alors, tu n'es pas blâmable. وهذا اللفظ يدل على أن أو يدل على أفضلية الفطر. Et ces termes-là montrent que le fait de ne pas jeûner est mieux. Ce qui est bien est mieux que ce qui n'est pas blâmable. Et donc le fait de ne pas jeûner durant le voyage est mieux que le fait de jeûner. وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ أَيْضًا قَالُ اللَّهِ تَعَالَى. Et parmi leurs preuves, il y a aussi la parole d'Allah le Très-Haut. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ. Allah, il veut pour vous la facilité. Et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et donc ils disent, le fait de jeûner durant le voyage, c'est une difficulté. Prends la facilité. Allah, il veut pour toi la facilité. Alors prends-la. Wa min adillati al-hanabila aidan hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma wa huwa al-hadith ar-rabi' alladhi dhakarahu al-mu'allif rahimahullah fi hadha al-bab. Et donc parmi les preuves de al-hanabila, il y a aussi le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Et ce hadith de Jabir est en réalité le quatrième hadith que l'auteur a cité dans ce sous-chapitre. Et ce quatrième hadith, donc, qui stipule Jabir qui dit, radiallahu anhuma, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي سَفَرْ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا صَائِمْ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرْ وفي رواية لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. Et donc Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il était en voyage. Il était en voyage. Il a alors vu un rassemblement, des gens qui étaient rassemblés. Et un homme à qui on a fait de l'ombre. Un homme pour qui on a fait de l'ombre. Alors il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Alors il dit, Sa'im, un homme qui jeûne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait de jeûner durant le voyage ne fait pas partie de la piété. Le fait de jeûner durant le voyage ne fait pas partie de la piété. Et dans une autre narration du même hadith, dans une autre narration rapportée dans le recueil de l'imam Muslim, rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là, vous devez prendre les permissions d'Allah qu'il vous a accordées. Vous devez prendre les permissions d'Allah qu'il vous a accordées. قالوا هذا الحديث فيه أن الفطر أفضل من الصوم في السفر. Et donc, les savants de l'école Hanbalite, ils ont dit ce hadith, il nous montre que le fait de ne pas jeûner durant le voyage, c'est mieux que le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le jeûne durant le voyage ne fait pas partie de la piété. Et donc le fait de ne pas jeûner durant le voyage, c'est mieux. لكن الحقيقة أن هذا الحديث له قصة وسبب وسمعتم أن هذا الرجل لما كان صائما في السفر لم يتحمل فسقط من شدة الصيام والتف الناس حوله. Cependant, ce hadith, il a une histoire et une cause. Et certes, vous avez entendu, donc cet homme, lorsqu'il pratiquait le jeûne durant le voyage, il n'a pas supporté. Et donc il est tombé, tellement le jeûne était difficile. Les gens donc se sont rassemblés autour de lui. فَمَنْ كَانَ يَدُرُّهُ السِّيَامُ فِي السَّفَرِ وَلَا يَتَحَمَّلُهُ فَنَكُولُ لَهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ. Et donc la personne qui n'a pas la capacité de supporter le jeûne durant le voyage et que cela lui fasse et que cela peut lui faire du tort, alors à cette personne nous lui disons le fait de jeûner durant le voyage ne fait pas partie de la piété. وهذا الكلام ليس على الإطلاق أو ليس على إطلاقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذه الكلمة نفسه صام في السفر. Et certes, cette parole, lorsqu'on dit le jeûne durant le voyage ne fait pas partie de la piété, cette parole ne s'applique pas dans tous les cas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a prononcé cette parole, lui-même, il a jeûné pendant le voyage. Lui-même, il a jeûné en étant voyageur. Et donc, ce n'est pas dans tous les cas que on verra que le fait de jeûner ne fait pas partie de la piété durant le voyage. ومن أدلة الحنابلة أيضا الحديث الخامس الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. Et donc, parmi les profs de l'Hanabila, de l'école Hanbalite, il y a le cinquième hadith que l'auteur a cité, rahimahullah, dans ce recueil. Le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui dit « Nous étions avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors d'un voyage. Il y avait parmi nous des jeûneurs, et parmi nous, certains qui ne jeûnaient pas. Alors, nous nous sommes arrêtés à un endroit, durant un jour de forte chaleur. Et celui d'entre nous qui avait le plus d'ombre durant ce jour est celui qui avait, elle qui sait, donc un vêtement que la personne va utiliser pour se recouvrir, pour se protéger de la chaleur. Un vêtement que la personne va utiliser pour se protéger de la chaleur. Et il y avait parmi nous, donc ceux qui se protégeaient du soleil avec leurs mains. Alors, les jeûneurs sont tombés. Ce qui est voulu par là, donc les jeûneurs, ils n'avaient pas de force. Lorsqu'on est arrivé, qu'on s'est arrêté à un endroit, les jeûneurs, ils n'avaient pas de force. Et ceux qui ne jeûnaient pas se sont alors levés et se sont occupés de l'établissement des lieux, c'est-à-dire donc le fait de préparer des tentes et autres. Et aussi le fait d'abreuver les montures, les chameaux et autres. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les non-jeûneurs sont partis aujourd'hui avec la récompense. » Les non-jeûneurs sont partis aujourd'hui avec la récompense. « Qalu wa hadha al-hadith fihi anna al-fitra fi al-safar afdalu min al-siyam. Li'anna al-muftirin humu alladhina dhahabu bil-ujur. » Ce hadith, ils ont dit, donc les savants de l'école Hanbalite, ils ont dit donc ce hadith, il montre que le fait de ne pas jeûner durant le voyage, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que dans ce hadith, on voit clairement que ce sont ceux qui n'ont pas jeûné qui sont partis avec les récompenses. Ce sont ceux qui n'ont pas jeûné qui ont eu les récompenses. Et donc cela nous montre qu'il est mieux de ne pas jeûner pendant le voyage. إذن ملخص ما رأينا اليوم أن طائفة من أهل العلم رأوا تساوي الفطر والصيام في السفر واستدلوا بالحديث الأول الذي ذكره المؤلف في هذا الباب. Et donc, le résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui est que une partie des gens de science, ils voient que le fait de jeûner et de ne pas jeûner durant le voyage sont au même degré. Et il se base, pour cela, il se base sur le premier hadith que l'auteur a cité dans ce sous-chapitre, le hadith de Hamza ibn Amr al-Aslami. Donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, si tu veux, jeûne, et si tu veux, alors ne jeûne pas. Wa ta'ifatun ukhra min ahli al-ilm, wa humul hanabila, يرون أن الفطر أفضل من الصيام وذلك في السفر وذكرنا بعض أدلتهم. Et on a aussi vu donc que d'autres parmi les gens de science, et ce sont les Hanabila, les savants de l'école Hanbalite, ils voient que le fait de ne pas jeûner, c'est mieux que de jeûner durant le voyage. Et on a cité certaines de leurs preuves. Et donc on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et durant ces quelques cours, dans ce sous-chapitre, on va voir, bi'idhnillahi ta'ala, petit à petit, les différents avis des ulama sur ce sujet. Afin de voir, justement, par la suite, à la fin, quel est le meilleur de ces avis, Inch'Allah ta'ala. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.